Section 123 de la lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Bidou. La lecture, tome 2e, section 123, Florent Octobre, par René Mezeroy. Chapitre 3. Mademoiselle Josiane de Ville-Jésus, guérie du mal de langueur auquel les médecins n'avaient vu goutte, et le gouverneur tint la promesse qui avait embourriné tant de fois les soldats et les crieurs aux quatre coins de la province. Elle épousa Florent Octobre, que le roi ennoblit par des lettres patentes, scellées de son grand cachet rouge aux trois fleurs de lys. Lorsque le couple apparut dans la nef éblouissante de Saint-Cernin-le-Thor, parmi les guirlandes florales et les banderoles, les oiseaux, qui par centaines s'étaient abattus sur les bas-reliefs, les statues des bienheureux et les hampes des drapeaux, furent les seuls à reconnaître le geôlier, le pauvre invalide de jadis, que les femmes aguichaient de leurs moqueries querelleuses, tant il était transfiguré sous ses habits de gala et son chapeau à plumes. Et au-dessus des carillons, des motets qu'entonnaient les orgues, des psaumes que clamaient les diacres et les chantres, des vivats qui montaient de la foule épaisse, s'élargit, se prolongea la musique promise, l'épithalame triomphant, assourdissant, qu'en battant des ailes, en gonflant les gosiers, ils chantaient à leur ami enfin heureux. Fin de la section 123. Fin de la lecture, tome 2e.